Chapitre 13. La forêt d'Orléans. À l'instigation de l'Angleterre, qui, ayant payé sa rançon, n'en continuait pas moins à vouloir venger son humiliation et délivrer le monde, une grande conférence internationale s'était secrètement réunie à Lausanne. On espérait que les quelques diplomates et militaires réunis se confondraient là avec les touristes et qu'ainsi le secret serait mieux gardé. De graves questions avaient été soumises à cette conférence, qui tenait ses séances le soir, entre 8 heures et midi, dans une grande salle aménagée comme une salle de jeu. Ainsi le change était donné, et nul ne pouvait soupçonner une autre raison que celle du poker ou du bridge à ces réunions nocturnes. Les puissances espéraient qu'un effort général et fécond suivrait ces conférences. En effet, un plan d'action y avait été arrêté. En principe, toutes les puissances y avaient souscrit. On se flattait de mener ainsi, dans l'ombre, une attaque formidable contre l'ennemi commun. Mais celui-ci devait avoir des oreilles partout, car dès le 3e jour du congrès, les puissances qui y participaient reçurent, toujours par Marconigram, un avis combinatoire. Ordre est donné de cesser immédiatement toute conférence hostile. Ratchisrak. Devant cette insolence, on se résolut à une action énergique, immédiate, et il fut décidé que l'une des puissances signataires du pacte lancerait un défi aux bandits inconnus. La France fut désignée. L'émotion, quand on apprit cette nouvelle, fut indescriptible. La chose avait été faite avec quelque solennité. Des coups de canon avertirent les populations que la guerre était déchaînée contre les ennemis invisibles. Aujourd'hui, alors que, par l'effet du recul dans le temps, nous jugeons les choses plus froidement, cette manifestation nous apparaît inutile et enfantine. Mais en ces heures troublées, où chacun, devant l'étrangeté terrible des catastrophes provoquées par les Rajisraks, avait un peu perdu de sa faculté de raisonner, elle empruntait aux événements mêmes une certaine grandeur devant laquelle il faut s'incliner. La France, disait une proclamation officielle, refusant de reconnaître le pouvoir soi-disant infini des Rajisraks, estimant au contraire qu'ils ne sauraient accepter sans danger pour eux une lutte loyale, les met au défi d'exercer ce pouvoir sur un point quelconque de son territoire, au jour, à l'heure, à l'endroit qu'ils fixeront eux-mêmes. De grandes précautions avaient été prises. Une partie de la population parisienne s'était enfuie vers les plages les plus lointaines. Pour le reste, des abris avaient été ménagés partout où la chose avait été possible. Des moyens de protection étaient prévus au cas où des incendies éclateraient. Des stocks de charbon avaient été constitués dans les plus vastes souterrains qui se puissent trouver. Les catacombes et les carrières creusées sous Paris en reçurent des quantités considérables, ainsi que des vivres. Les musées furent fermés, leurs merveilles mises à l'abri. On revivait les plus tristes moments de la Grande Guerre. Le soir même du jour où le défi avait été lancé, un marconigramme, venu comme les précédents d'un point inconnu, informait l'univers que le vendredi suivant, c'est-à-dire 48 heures après, délai jugé suffisant pour que la France fût prête à se défendre, la forêt d'Orléans serait incendiée et que, aussitôt après cette manifestation du pouvoir des Rajisraks, ils lanceraient leur ultime sommation, dont la méconnaissance par la France entraînerait la ruine totale de celle-ci. Le gouvernement ne perdit pas la tête. La compagnie d'Orléans, réquisitionnée à 2 heures, tenait prêt à 5 heures 20 trains de 30 wagons. 3 000 hommes prirent place dans 2 trains qui partirent à 2 minutes d'intervalle. 6 trains emmenèrent l'artillerie légère, les munitions, les fusées torpilles, les gros canons, leurs trains, leurs canonniers, leurs munitions, partirent de Chartres, tirés par leurs tracteurs, en suivant des routes différentes. À 5 heures du matin, toute la forêt d'Orléans était érisée, sur son pourtour, d'une artillerie formidable, braqués vers le ciel. 1 millier de camions automobiles étaient rassemblés dans les champs, prêts à recueillir les hommes et à les emmener. Tout cela était camouflé, caché, invisible. Les troupes, louangées, exaltées par les journaux, le gouvernement, la population, manifestaient confiance et enthousiasme, et étaient bien en main. Le tir des pièces avait été réglé de telle façon qu'un obus exploserait tous les 500 mètres, sur une ligne absolument verticale, et jusqu'à une hauteur de 50 kilomètres. Comme 300 mètres à peine séparaient les pièces les unes des autres, la force des explosions et le déplacement des ondes atmosphériques allaient déchaîner dans les airs une véritable tempête, un formidable ouragan. Pour protéger les hommes contre la chute des éclats de projectiles, les abris avaient été creusés et la mise en feu des pièces était obtenue électriquement à distance. À un signal donné, toutes les pièces tireraient. Trois salves devaient être tirées de 5 minutes en 5 minutes. La journée se passa dans une attente pathétique. La nuit vint, l'angoisse s'accrut que réservait la tragique aurore. La peur s'installa dans beaucoup de cerveaux, il y eut des cas de folie comme au temps des raids d'avion. Toutes les lumières étaient éteintes et la ville plongée dans des ténèbres presque absolues. Escander était à son poste au milieu de l'état-major avec tous ses confrères. Il avait, malgré la douleur qu'il cachait, repris possession de lui-même. Le métier le réclamait, il était tout à son métier. Un peu en arrière de l'état-major, dans un repli de terrain, des savants s'affairaient autour d'instruments de précision, prenaient des notes. D'assez forts télescopes étaient braqués vers le ciel. Depuis l'apparition du jour, l'espace était ainsi minutieusement observé, sans que rien n'attirât plus spécialement l'attention. Déjà, on estimait que la partie était remise, quand Escander, qui semblait être partout à la fois, mit un œil indiscret au miroir d'un hélioscope et poussa un « Ah !» plein de satisfaction. Ce sentiment pouvait surprendre, mais Escander était venu pour voir l'attaque des Rajisrak, et il eût été cruellement déçu s'il avait dû rentrer bredouille. Donc il poussa un « Ah !» qui fit se retourner tout le monde. « Regardez donc au nord-ouest !» et d'un doigt indicateur, il désignait un point précis du ciel. Un astronome fit au même moment remarquer à un de ses collègues. En effet, au-dessous de ce stratus rose, voyez ce scintillement? Tous les instruments d'optique, petits ou grands, toutes les jumelles, se tournèrent vers le point désigné. Tous les observateurs furent unanimes à reconnaître que dans le ciel, à une altitude très élevée, de petits points qui semblaient métalliques scintillaient sous les rays du soleil. L'état-major fut aussitôt prévenu et, de minute en minute, la marche du phénomène fut observée à l'aide des instruments spéciaux. Mais subitement, le scintillement devint imperceptible. L'étude du ciel n'en continua pas moins, attentive, et moins d'une heure après l'exclamation d'Escander, les astronomes crurent remarquer, juste au-dessus de la forêt, une singulière coloration grise, plus foncé que le bleu léger du ciel. Cette sorte de nuée devait se trouver à une très grande hauteur et couvrir une vaste étendue. Elle semblait se tenir immobile. En même temps, une hausse insolite du thermomètre fut constatée. Encore 10 minutes et cet accroissement de la chaleur commença à faire souffrir tout le monde. Il s'était fait un énorme silence. Cette multitude d'hommes restait muette. Seule la forêt semblait vivre. Des oiseaux chantaient. Sur une basse branche d'un frêne, deux écureuils se pourchassaient. Tout sentait le calme et le repos pendant que se préparait le mystère de l'heure qui allait sonner. Escander s'était isolé, sans rien perdre de ce qui se déroulait sous ses yeux analyseurs. Sa pensée s'en allait vers celle qui, maintenant, tenait tant de place dans sa vie. Il la revoyait dans sa douloureuse rêverie, si fine, si élégante, si femme. Il entendait encore sa voix musicale raconter ce qu'avait été sa vie de labeur, saine, tranquille. À l'idée que peut-être il ne reverrait jamais plus cet être si cher, ses poings se fermaient avec tant de force que ses ongles rentraient dans la paume de ses mains. Cependant l'heure passait, la chaleur augmentait toujours. Le général commandant les troupes décida d'attendre encore. Cependant, la chaleur devenait intolérable. Déjà, des branches mortes craquaient, des feuilles commençaient à se recroqueviller, presque à vue d'œil. Il y eut un appel de clairon, net, strident, et les savants s'envolèrent vers les abris qui leur avaient été ménagés. Le général et ses officiers, entourés des journalistes, restèrent seuls debout. Enfin, le général leva le bras. Alors, le canonnier qui devait donner le signal fit partir sa pièce. Immédiatement, des langues de feu s'élancèrent furieusement dans le ciel. Il se produisit une détonation si formidable que la terre en fut secouée. Là-haut, dans le ciel, d'autres détonations terribles éclatèrent. Pendant une demi-seconde, l'espace céleste devint d'une lividité qui fit tourner en véritable malaise l'étonnement apeuré de ceux qui la virent. Il y eut une nouvelle explosion, aussi formidable que la première. Un grand souffle de vent secoua les arbres, comme si chacun d'eux, saisi par une main monstrueuse et invisible, allait être arraché. Beaucoup d'ailleurs le furent. Des arbres de 30 ans furent couchés comme des épis. Subitement, la température baissa aussi soudainement qu'elle avait monté. Puis, pendant 20 minutes, les hommes terrés entendirent des chutes effrayantes. Quand tout bruit eut cessé, à part celui du vent qui continuait à souffler, et sur un appel du clairon, soldats, savants, journalistes sortirent de leurs abris. Le ciel était redevenu limpide. Les recherches commencèrent aussitôt et durèrent une partie de la journée. Toutes les choses trouvées furent apportées aux pieds du général, qui les faisait classer et numéroter. Des restes humains carbonisés furent recueillis en grand nombre, quelques-uns déchiquetés seulement, épargnés par le feu, ce qui permit de constater que ceux à qui ils avaient appartenu n'étaient pas de race blanche. La coloration de la peau ne retint pas seulement l'attention des savants, mais aussi la petitesse et la fragilité des attaches. Selon eux, on se trouvait en face de restes d'Asiatiques. Des fragments d'aluminium, tordus, déchirés, sans forme, furent aussi recueillis, ainsi que de grands et de petits morceaux d'une étrange matière, devant laquelle les savants restèrent sans réponse. Cependant, ils remarquèrent que cette matière présentait sur toute sa surface des facettes singulières, presque microscopiques. Ce fut tout ce qu'ils purent constater. Le général attendit jusqu'au soir, tout prêt à l'action, mais le ciel ayant repris sa placide uniformité, il fit sonner le ralliement et la soupe, attendant de nouveaux ordres. Quand Paris apprit que les Rajisraks n'avaient pu réussir à incendier la forêt d'Orléans, choisie pour eux pour être réduite en cendres, et que, au contraire, ils n'avaient pu résister aux formidables engins dressés contre eux, on considéra tous les maux dont ils étaient les auteurs comme terminés, et avec sa mobilité d'impression si caractéristique, Paris manifesta sa joie avec exubérance. Mais la nuit s'abattit sur la ville en fête, comme un vent de malheur, la nouvelle que toute la forêt d'Orléans était en flammes. La stupeur, l'incrédulité, puis le désespoir, quand cette nouvelle fut confirmée, furent indescriptibles. La foule fut consciente de la puissance terrible des bandits inconnus. Leur dernière tentative ayant échoué, ils s'étaient résolus à une seconde, qui avait réussi, et rien ne disait qu'une troisième n'était pas en préparation, là-haut, dans le velours noir du ciel constellé d'étoiles.